Légende, partie 2. Прослушайте текст и скажите, какая участь постигла влюбленных. On raconte dans le Morbihan que l'île de l'ours était jadis reliée à l'île aux moines. Un jour, un garçon de la noblesse s'est pris d'une pauvresse. Furieux et décidé à empêcher à tout prix le mariage, les parents du jeune homme l'enfermèrent dans le couvent d'Arz. Cependant, dès la nuit tombée, les amants se retrouvaient en cachette. Mais les ayant surpris, l'abbé du monastère jeta sur eux la colère divine. Un soir, au moment où la fille franchissait l'isthme en courant vers son rendez-vous, les vagues se levèrent à l'appel du religieux et se précipitèrent sur les rochers. En un instant, l'étroite bande de terre fut submergée et la malheureuse emportée par les flots. C'est depuis ce jour que les deux îles sont distinctes et que l'on peut apercevoir les fantômes des amants s'appeler désespérément de chaque côté de la passe qui les sépare. Le roi Salomon est enseveli au large du port de Périac-sur-Mer. Il gît entouré de ses immenses richesses. Mais que nul pêcheur sous-marin, que nul homme grenouille, ne s'avise de s'en approcher. Il risquerait de ne jamais revoir le jour et de rester aux mains de gnomes au fond des prisons secrètes de l'océan.